pour essayer de s'infiltrer et démobiliser Jean-Pierre Papin pour ce premier but. Avec ce ballon et cette reprise peut-être de Johan Mikou, la frappe et c'est but. Mais ce sera pour Cavalli. Avec Gourcuff. Oh, deux fois. Allez, on est de retour dans Girondin Analyse, RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. On est ensemble encore jusqu'à 23h pendant 45 minutes pour parler de ce qui nous attend, l'événement dimanche soir, 21h. Bordeaux-Marseille, 40 ans d'invincibilité à sauver, les 30 ans des UB. Tout pour faire une bonne soirée. Un petit point rapidement, messieurs, toujours en compagnie évidemment de. Bon, si vous étiez là en première heure, bah, c'est les mêmes. Et on recommence. Dans la soirée, les directs, Lille a battu, s'est relancé, a battu l'AS Saint-Etienne. On parlait de Saint-Etienne tout à l'heure dans les amitiés en parlant des UB. 3 buts à 1. Et actuellement à 70e minute, Monaco égalisé face à Amiens. C'est à Amiens. Monaco était mené 1-0. C'est Jovetic qui a égalisé. On va enchaîner la deuxième heure. On va axer évidemment accessoirement sur Bordeaux-Marseille. Avant de parler tactique, technique, tout ce que vous voulez, 4-3-3, 4-5-1, Malcolm, pas Malcolm, qui vous voulez, un petit mot quand même sur l'importance que revêt ce match. Je sais pas qui veut se lancer, Julien, Pierre, n'importe qui. Sur l'importance que revêt ce match pour les ultramarines, évidemment, ça a une connotation peut-être un peu plus importante avec voilà l'invincibilité, machin, tout ça. En dehors du fait des 30 ans, l'historique du Bordeaux-Marseille, c'est quand même un truc. Oui, outre le fait. C'est une des grandes rivalités déjà du foot français. Outre le fait de l'anniversaire et de ce match un peu spécial, ça reste une rivalité historique depuis les années 80 et la période tapis baise. Et du coup, ce match, il tient à cœur à non seulement aux ultramarines, mais à tous les supporters qui suivent le club depuis X années. Et du coup, ce match, il est hors de question qu'on passe au travers et que autre chose qu'une victoire serait vraiment une contre-performance et vraiment la semaine serait très difficile à reprendre. Alors sur les anciens qui ont connu, enfin maintenant je peux parler d'anciens supporters un petit peu, Marseille c'était la rivalité fin des années 80, début des années 90, mais aujourd'hui dans le virage sud, chez les jeunes, chez la nouvelle génération, ceux qui ont 18, 20 ans, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui Bordeaux-Marseille? Est-ce que c'est une rivalité aussi forte que chez nous, enfin que ceux qui ont 35, 40 ans, ou est-ce que c'est un match à la hauteur de Lyon, peut-être même Paris? Non, je pense que Marseille reste vraiment. Déjà, on inculque, les anciens inculquent cette rivalité historique, et que Marseille reste vraiment le match de la saison et la rivalité vraiment ancrée dans l'histoire des tribunes, dans l'histoire du club, et il n'y aura jamais un autre match que. Qui sera au-dessus en termes de rivalité. J'ai une question un peu footix, on va dire. On va parler d'idéologie ultra. On sait que le virage sud, c'est plutôt extrême gauche, antifasciste, antiraciste. Marseille, c'est un petit peu cette même idéologie. Comment ça se fait qu'il y ait cette rivalité-là, alors qu'on peut retrouver cette même rivalité sur des groupes qui sont un peu plus d'extrême droite? Sur la rivalité historique, on peut laisser Florian faire un point. En même temps que la guerre Bestapi, il y avait aussi deux groupes ultra qui naissaient quasiment en même temps, enfin à quelques années d'intervalle, puisque le premier groupe marseillais, c'est le Commando Ultra en 84, nous en 87, les Winners également en 87. Donc on est un peu nés dans la même époque. Après, au niveau de la rivalité avec les supporters marseillais, c'était une finale de Coupe de France, 86, si je ne m'abuse. Avec les métros. Où il y avait pas mal de supporters bordelais qui, tout l'avant-match, s'étaient fait mettre à l'amende par les supporters marseillais. Et les Marseillais s'étaient déjà fait une réputation, pas forcément de loyauté, puisqu'il y avait eu pas mal de gens, pas forcément. Très très impliqué dans le mouvement supporter, qui avait subi des agressions. Donc ça avait été un peu la genèse de cette rivalité. Et puis après ça s'était perpétué. Il y avait eu le match retour pour Angers, puis ainsi de suite. Et puis après il y a eu des histoires de vol de bâche. Voilà, c'est quelque chose qui se perpétue. C'est la rivalité la plus historique. l'une des plus profondes et des plus construites, bien que on connaisse pas mal de leaders. On a été amené à travailler ensemble au sein de la CNU, la Coordination Nationale des Ultras, dans les années 2000, donc on connaît pas mal de leaders. Mais bon, voilà, il y a une rivalité qui est vraiment instituée. On a des très très mauvais souvenirs avec eux, notamment des pertes de bâches, mais aussi de bien meilleurs à ce niveau-là. Et puis aussi une stimulation à travers les tribunes. On a été tous les deux précurseurs des tifos. Les deux villes ont aussi une culture déplacement assez forte. Après, effectivement, c'est une tribune qui est comme nous, antiraciste. C'est pour ça qu'on a à peu près réussi à travailler ensemble, on va dire. Parce qu'avec des nationalistes convaincus, ça aurait été plus compliqué. Mais voilà, ça n'empêchait pas qu'il y a toujours eu cette rivalité, qui est vraiment une rivalité ultra, quoi. Ouais, il y a toujours eu ce jeu de... Puis aujourd'hui encore, nos tribunes sont quand même aux antipodes... par rapport à eux, on a vraiment plus grand chose en commun et de nombreuses tribunes françaises. Alors, disons que ce qu'il faut expliquer, c'est que ce qu'il faut expliquer, c'est que Tapie a acheté la paix sociale, qu'il y avait une vraie culture ultra relativement indépendante à Marseille dans les années 90, et Tapie a acheté la paix sociale en permettant au groupe de gérer les abonnements. Donc ça a été une manne financière incroyable. Que les groupes ont utilisé pendant une vingtaine d'années, des millions de francs, puis après des millions d'euros. Il faut expliquer aux gens qu'à l'époque, alors maintenant c'est plus le cas depuis quelques mois, voire quelques années, je crois, un ou deux ans, ils ont arrêté ce système, mais il faut expliquer aux gens qu'à l'époque, si quelqu'un voulait aller voir un match en virage... Qu'est-ce que t'en sais qu'ils ont arrêté ce système ? Tiens, Marseille ? Tiens, dans leur système, c'est ce qu'ils ont raconté, non, mais qu'est-ce qu'on en sait que leur système aujourd'hui, est terminé ? Aujourd'hui, à Bordeaux, vous pouvez vous abonner et venir au virage chute sans... forcément passer par les ultramarines. À l'époque, ce n'était pas le cas à Marseille. C'est fini, système-là est fini. Les Marseillais, effectivement, pendant très longtemps, alors au début, ils avaient une manne financière, ils touchaient une grande partie d'argent quand ils vendaient des abonnements. Après, ils ont passé encore un stade. Il fallait, si vous vouliez aller dans le virage sud, il fallait être obligatoirement membre d'une association de supporters, que ce soit les Ultras, les Winners ou les Yankees. L'abonnement allait avec. Mmh. Et on pouvait pas faire autrement, quoi. Donc il y avait forcément, à chaque fois qu'on allait s'abonner dans les virages, il y avait forcément une partie de l'abonnement qui allait au groupe de supporters. Avec l'arrivée de McCourt, ce système a été remis en cause. Maintenant, ça a été une telle manne financière. Faut vraiment se rendre compte de ce que ça a été. Je veux dire, les groupes marseillais sont propriétaires de locaux, sont propriétaires de bus. Il y a des salariés. Il y a tout un tas de salariés. Donc ça, c'est quand même un truc. Il y a une culture. Excuse-moi, Florian, de te couper. Va sur le site officiel des Winners. Tu peux faire une visite de leur local. Sérieux, avec le truc en 360 et tout là. Avec un truc en 360 en direct sur le site internet. Voilà, c'est Pour nous, ils ont perverti un mouvement qui se veut authentique. Complètement. Ils l'ont perverti par l'argent. Voilà, ils ont oublié pour nous un certain nombre de valeurs. D'ailleurs, quand on avait travaillé avec les Winners au sein de la CNU, c'est une des raisons qui a fait capoter la chose, c'est que les Winners avaient déjà perdu une très très grande part de leur crédibilité. Voilà, le mouvement Ultra, c'est un mouvement qui se veut authentique et indépendant. Et l'argent chez nous, c'est pour faire les tifos, c'est pour payer les déplacements, mais c'est pas pour qu'il y ait des salariés, c'est grassement payé. Enfin voilà. Donc il y a une vraie différence de mentalité aujourd'hui entre eux et nous, et ça a exacerbé cette rivalité. Ouais, Thibaut. Non, rien. Ok. Du coup, je voulais enchaîner, je ne sais plus sur quoi. C'est pas grave, on a quelqu'un au téléphone, on va prendre ça de suite. Vas-y, raccroche, Cyril. Hop là. On enchaîne. Oui, on accueille au téléphone Snakil. Bonsoir. Salut. Oula. Comment ça va ? Bonsoir à tous. Ah ben ça va, il paraît qu'il y a Bordeaux-Marseille qui arrive. Ouais. il paraît, Marc, c'est bon ? C'est bon. Snakil, dis-moi, comment tu le vois, comment tu le sens déjà en termes de d'ambiance, et puis après on va rentrer peut-être un petit peu dans le vif du sujet, en termes déjà de d'ambiance et puis de jeu, quoi. Comment tu le sens ce match ? Alors déjà, tout d'abord, je tiens à passer un petit bonjour à Julien et Flo qui sont là, que j'ai écouté tout à l'heure, donc bravo à eux et bravo aussi à tous ceux qui ont participé à, voilà, pour le Tifo. Je peux, comme dit, ça va être un très gros travail. Gros souci avec ton téléphone, c'est juste horrible. Tu nous appelles avec un kit main libre, avec quelque chose ou pas? Pardon? Tu nous appelles avec un kit main libre, avec des oreillettes ou quelque chose? Bah non, pourtant non. Attends, je me déplace là. Je fais le satellite. Voilà. Tu grésilles énormément. Bon, on va faire avec. Oula. Donc, ouais, tu disais, ouais, tu remercies. Ouais, tu m'entends? Ouais, allô? C'est bon, t'entends. Ah, c'est les Marseillais. Bref, ouais, mais là, je vous entends bien, là. Parfait. Donc, est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît? Parce que du coup, on n'a pas entendu. Ah, désolé. Non, je disais que je remercie. Enfin, je passais le bonjour à. J'écoutais là, Julien et Flo, et leur félicité pour les 30 ans et aussi pour tout le travail qu'ils font, et à tous les, aussi, comme il disait, tous ceux qui font les tifos, les travailleurs un peu de l'ombre. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de respect à eux, parce que ça va être un très gros travail. Et ceux qui participent aussi, qui me font kiffer d'aller au stade. Voilà, tout simplement, faut le dire. C'est pas, voilà, c'est clair. Moi, s'il n'y avait pas le virage sud, je crois que je n'irai pas au stade. Je ne serais pas abonné. Enfin, voilà. Ok. Bon, j'ai une question. Mais pas seulement, on était en train de parler de la rivalité et qu'est-ce que ça représentait pour les ultras, cette rivalité Bordeaux-Marseille. Est-ce que rapidement, toi, qu'est-ce que ça représente, cette rivalité-là, toi, Bordeaux-Marseille? Pour moi, c'est toute. Enfin, voilà, c'est aussi. C'est toute ma jeunesse. Et j'ai grandi avec cette rivalité. Alors, peut-être les générations, les nouvelles générations, peut-être la connaissent moins, mais c'est aussi le rôle de tous ceux qui peuvent le faire, de faire perdurer cette rivalité, parce que c'est quelque chose qui appartient au club, qui appartient aux supporters. C'est quelque chose que voilà, que j'aime qu'on l'entretienne, parce que c'est les passions qui font vivre pleinement les émotions, et c'est une passion aussi, c'est une façon, même si c'est exubérant, une rivalité, ça s'entretient, et je trouve que c'est, pour moi, ça représente beaucoup. Je veux dire, le jour où peut-être cette série, je touche du bois, pas pour cette fois, mais ça arrête, ça fera quelque chose, parce que mais ça n'enlèvera jamais la rivalité, elle perdurera même au-delà de ça, même au-delà de cette invincibilité à domicile. Voilà, c'est les titres de champion en 99, en 2009. Évidemment, bon, j'étais pas né, mais voilà, c'était la guerre tapis, baisse. Enfin, c'est quelque chose qui, je pense, vraiment, ça appartient vraiment aux racines du club, et faut la faire perdurer, et puis voilà, et on va tous kiffer, aller au stade et affronter l'ennemi marseillais en espérant les battre et leur faire mordre la poussière. Moi je suis désolé, je trouve que cette rivalité, elle a tendance à n'exister que pour les supporters bordelais. Plus ça va, plus le supporter marseillais, plus s'il a pas connu j'ai envie de dire le début des années 90, mais s'il est né en plein dans l'époque Canal+, Bordeaux-Marseille, pour lui ça voudra rien dire. Question d'éducation. Ouais, mais l'éducation sportive en France, elle est, j'ai pas envie de dire faible, mais elle est quasiment inexistante. Alors oui, si c'est un enfant de d'ultra passionné, je l'entends, mais pas j'ai l'impression tout simplement de non, oui, je veux dire de tu passionné. Voilà, je peux. Il y avait pas ultra. C'est vrai, j'avais pas super gaffe. Non, mais pas dans le sens ultra supporter, mais je parle d'un gros passionné de son équipe. On va peut-être en parler, mais moi j'en parle avec les gens autour de moi qui ne suivraient pas autant le foot qu'on peut le suivre pour être là un vendredi soir. Bordeaux-Marseille, déjà pour eux c'est Marseille-Paris en numéro 1, et excusez-moi en numéro 1. Oui, mais après pour eux ce qui les intéresse c'est l'argent. Enfin, voilà. Après Marseille-Paris, ça a été c'est un match qui a été monté de toutes parts par Canal+. Je sais qu'elle est bidon, donc, mais j'ai l'impression que plus elle passe et plus cette rivalité dans les vraies valeurs, tout supporter, tu transmets cette valeur, de père en fils. Moi j'ai des enfants, combien de pères bordelais cette histoire à Marseille, je pense que c'est de moins en moins, et puis j'ai envie de dire, on a beau donner ou essayer de transmettre quelque chose, par moment tout ne se transmet pas, sinon on aurait des éducations parfaites. Mais après, je sais pas, n'en parlez pas avec des gens qui sont ce soir autour de la table, forcément. J'ai envie de dire, on tombe sur les cas qui sortent un petit peu du cadre de la société. Mais si on reste dans une société assez, on va dire, classique, où la personne n'est pas un supporter de foot comme on peut l'être, J'ai l'impression que cette rivalité a disparu. Ça veut rien dire. Regarde, moi, mon père, c'est tout con. Mon père qui suit le foot, qui regarde juste les matchs des Girondins, il va au stade 4 fois par saison. Il soir et lundi soir sur une radio associative. D'accord, mais pourquoi? C'est parce que mon père m'a toujours inculqué les valeurs. Il m'a toujours inculqué que Bordeaux-Marseille, c'était la rivalité et que les Girondins, c'est le club de notre ville. Que Bordeaux, c'est les gentils et que Marseille, c'est les méchants. Regardez le stade, il sera pas plein. Mais c'est pas grave, ça vaut mieux avoir un stade qui soit à moitié plein avec des mecs qui croient la rivalité ou des autres choses comme ça. Mais le fait que le stade soit pas plein, le fait que le stade soit pas plein montre quand même que la rivalité dans le supporter lambda, si je peux appeler ça un supporter, baisse. Suis désolé, c'est un fait. Tu parles du supporter lambda, forcément, c'est sûr que. Mais je suis désolé. Aujourd'hui en France, il y a plus de supporters lambda que de supporters fervents. C'est la plus grosse affluence de l'année, si je ne me trompe. Ouais, mais c'est 38 personnes axes, quoi. Moi, je pense sincèrement que la rivalité Bordeaux-Marseille, elle existe toujours, elle existera toujours. À partir du moment où tu te revendiques comme étant supporter des Girondins, alors que tu sois ultra investi, supporter fervent, passionné, ou le simple supporter des Girondins, à partir du moment où tu te revendiques comme étant supporter des Girondins, t'as forcément entendu parler et sensible à cette rivalité avec Marseille. Je parle pas si tu me parles du mec qui amateur de foot compose. Qui suit les Girondins parce qu'il habite Bordeaux ou le mec qui a rien à branler du foot, forcément qu'il va te dire la rivalité numéro 1 dans problème, le foot, c'est Bordeaux, c'est Marseille-Paris. Quand je parle d'une rivalité que je trouve en baisse, ça, c'est un débat. Je parle pas du supporter des Girondins de Bordeaux. Forcément on s'en branle les autres. Je suis désolé, non, on s'en branle pas. Ça reste quand même du foot un minimum. Ça reste, c'était l'une des affiches les plus attendues en Ligue 1 autrefois, toute compétition confondue. Mais ça dépend. Je suis désolé, plus ça va, plus ça va. Tu parles d'une période marque des années 80 où les deux clubs étaient au sommet et où pendant 10 ans on s'est tiré la bourre. Forcément, aujourd'hui le club phare du championnat de France, c'est Paris. Donc forcément que les rivalités diminuent. Mais combien j'ai entendu qui s'intéresse aujourd'hui le derby entre Saint-Étienne et Lyon à part les Lyonnais et les Stéphanois? Mais ça reste un grand classique. Si on me parle aujourd'hui de derby, Marseille-Bordeaux reste aussi un grand classique. Quand tu parles avec des gens lambda, je trouve que Lyon-Saint-Etienne va revenir beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui un Bordeaux-Marseille. Le grand problème à la base, je pense que c'est juste culturellement dans notre pays. C'est juste que notre pays n'est pas culturellement un pays de football. Il y a aussi la médiatisation des derbies qui fait aussi pour parler de football. Il y a aussi la médiatisation des derbies. Aujourd'hui, les affiches diffusées sur Canal et les journalistes en priorité parlent du classique entre Marseille et le PSG. Ouais. Après, effectivement, le deuxième qui arrive en second, c'est la rivalité entre Lyon et Saint-Etienne. Et je suis désolé, mais le Bordeaux-Marseille, il a été quand même souvent programmé sur Canal. On en parle souvent, mais certes beaucoup moins que les deux premiers. Mais il y a aussi l'aspect médiatique. Et faut rajouter aussi l'aspect sportif. On peut prendre en 2009 où les deux équipes bataillaient pour le titre. Et voilà, il y avait vraiment une ferveur autour de ce match, etc. Donc il y a plein d'enjeux qui rentrent en jeu par rapport à ce match. Mais nous, supporters des Girondins, ça sera toujours ce match particulier quoi qu'il arrive. Et alors oui, si on prend un supporter lambda qui s'intéresse pas au football, particulièrement aux Girondins de Bordeaux, il va te dire oui Paris-Marseille, il va te dire le nouveau derby qui sort à la mode, l'Olympico entre Marseille et Lens. Voilà, ça c'est des matchs parce qu'on leur bourre le crâne mis en place par les médias. Quoi. Mais des vrais chocs culturels entre deux sportifs et tout. Bordeaux-Marseille restera toujours ancré dans le football français. Quoi. Comme il y a, alors, pour les plus anciens, peut-être Nantes-Monaco, mais il faut remonter aux années 80, ou des Nantes ou des Saint-Et-Marseille. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que la rivalité entre Bordeaux et Marseille, c'est bien plus qu'une rivalité sportive aussi. C'est ça. Mais c'est une rivalité. Vous parliez tout à l'heure de culture de groupe, d'identité, de valeur du mouvement ultra. Donc ça va au-delà d'une simple rivalité sportive. Bon, on va passer maintenant à l'avant-match. On va parler un petit peu de ce qui nous intéresse. Donc ce dimanche, c'est Bordeaux-Marseille. Donc la barre des 40 ans est passée. C'est les 30 ans des ultras encore une fois. Mais du coup, Bordeaux affiche un bilan un petit peu négatif avant cette trêve. Donc malheureusement, 4 défaites, un match nul sur les 5 derniers matchs depuis Paris. Donc c'est le match où on attend beaucoup de la part de ce groupe-là. On va même pas parler de l'invincibilité parce que ça, à la limite, même si ça nous touche, on a surtout envie que le club se relance et reprenne sa marche en avant. Et du coup, pas mal d'incertitudes au niveau du groupe, puisque c'est Jovanovic qui est suspendu. Toulalan est incertain. Donc il y a quand même une grosse inconnue au niveau de la charnière centrale. Comment vous voyez ce match-là de dimanche, Thibaut, Enzo, après les amis, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Non mais le match de toute façon, on va pas tourner autour du pot. Tu l'as rappelé, il y a une série en cours qui est pas bonne. Il y a 15 jours de trêve. Bon, on s'est tous regarder en sachant pas trop ce qui allait se passer. Il y a des joueurs qui sont partis en sélection, qui reviennent certainement dans des états de forme un peu différents, avec la forte envie, j'espère, de redresser la barre. Pour moi, ça reste un match, certes avec de la pression, mais ça reste, comme tu disais, un match sur lequel il faut absolument compter pour se relancer, parce que on est actuellement dans une série négative. Alors, c'est peut-être soit on est du bon côté, on se dit c'est le match idéal parce qu'il y a de la pression et du coup ça va pousser les joueurs à faire en sorte à renverser la table et à mettre un peu d'ordre dans la maison bordelaise, ou alors c'est le match qu'il faut absolument, enfin c'était pas le match qu'il fallait pour se relancer, parce que est-ce que cette équipe est capable de supporter une telle pression, parce que 40 ans, tout le contexte autour, c'est quelque chose qui va être peut-être compliqué aussi à digérer pour certains joueurs si le match tourne mal, par ou exemple. Ou alors ça va être le match où, dans tous les cas, ils savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur et tous individuellement feront ce qu'il faut pour pas perdre. Et au match prochain, on en reparle. Ça aurait été un match à part dans une saison à part. Est-ce que c'est pas aussi le risque, c'est-à-dire qu'on va avoir des joueurs transcendés par l'événement qui mettront leur petit égo de côté Les problèmes du groupe aujourd'hui vont pas disparaître, n'ont pas disparu en 15 jours. Je pense pas, on peut pas tout révolutionner en 15 jours. Donc les problèmes, ils restent les mêmes par rapport à ce qu'on a vu sur les 5 derniers matchs. Problème de collectif, des joueurs d'un point de vue individuel, certaines individualités qui sont en dessous de leur niveau attendu. On parle de Malcolm, Sankaré, même des joueurs comme Toulalan, Sabali. Voilà, c'est des individualités, mais il y a surtout un problème collectif dans ce groupe. Alors on a beaucoup parlé de Malcolm dépendance, certes, mais Malcolm, c'est un peu l'arbre qui cachait la forêt en début de saison. Je reste confiant. Je veux dire, c'est pas. Il y a eu quand même pas mal de bonnes choses la saison dernière. On en a parlé ici. Il y a eu pas mal de bonnes choses en début de saison aussi. C'est un peu moins bien. Alors il y en a qui disent c'est avant, après Paris. Il y a eu un avant et un après Paris. Moi je pense que il y a un problème de collectif. Il y a un problème de confiance. Il y a surtout des joueurs qui sont pas au niveau quoi aujourd'hui. Sur ce match-là en fait, à leur H, est-ce que vous êtes confiant pour dimanche, Casti? Oui. Sportivement, il y a matière à y croire et à être pas serein, mais ambitieux pour dimanche. Oui, on n'a jamais été déçu pour ce match-là. Il n'y a pas de raison que ça change. T'as envie d'y croire ou t'y crois? Oh, mais j'y crois, moi, à 100%, même à 2000%. Ça, c'est sûr. Moi aussi, j'y crois. Comme il dit, à 2000%. Oui, on y croit tous. Et c'est surtout que ce match, je pense, peut être un match charnière dans la saison. Ça veut dire, là, on reste sur 6 matchs sans victoire. Donc ça commence à faire un petit moment. Et je pense qu'ils, maintenant, ils sont dos au mur. Donc soit il y a une réaction collective du groupe, ou soit on s'enfonce vraiment dans une crise. Donc ce match, je pense, peut être un match qui peut relancer le groupe. Alors oui, on va pas régler les problèmes collectifs du jour au lendemain, mais dans ces matchs, on peut, à travers l'invincibilité, les 30 ans des ultras, les joueurs peuvent aller chercher une certaine valeur qu'ils avaient laissée de côté depuis quelques temps. Et donc je pense que ça peut relancer le groupe. Le club, je pense, subit depuis quelque temps, mais à travers les médias, les supporters, la pression des 40 ans. Les joueurs sont au courant aussi que c'est nos 30 ans, donc ils sont dos au mur, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Donc ça va leur apporter une pression supplémentaire, mais positive sur le terrain. Parce que il me semble que Florian, cette semaine, t'as posté un tweet que dimanche, on ne sera pas 11, mais 12. C'est pas moi, ça aussi. Ah, si, c'était sur ton Twitter. C'est peut-être toi. Pas toi qui t'occupe de ton compte Twitter, alors. Il a un CM. Le moins, parce que ça me dit rien. Un CM T'es sûr que c'est pas Romain, plutôt Ah, c'est peut-être Romain. C'est peut-être Romain, je crois. Avec la photo du stade en... Ouais, ça c'est plutôt... C'est Romain, ouais, je crois. Ouais, c'est Romain. Non, mais après, il faut pas... On a tous tendance à s'enflammer quand ça va bien et à dramatiser quand ça va pas. Mais c'est sûr qu'il y a... ce match, il est très particulier. D'abord parce qu'on a pris un point en 5 matchs. Et on ne peut pas accepter ça éternellement. Ce match, il a une énorme valeur symbolique du fait de l'invisibilité et qui est encore plus accentuée du fait de nos 30 ans. On l'aurait quand même mauvaise si l'invincibilité s'arrêtait dans un jour aussi important pour nous. Donc, Julien parlait de crise. On a fait corps depuis 15 jours et on l'a bien exprimé au club qu'on ne voulait pas polémiquer et pas dramatiser, et rester confiant et rester soudé avec notre club et que nous on allait faire le job. Mais il est clair qu'il faut que ça se passe bien dimanche. Et ouais, on est confiant parce que on a quand même vu de la qualité en début de saison, on n'a pas pu s'envoler, quoi. Stéphane Martin a appelé à l'Union Sacrée. Et du coup, il y a eu la visite. Ouais, l'Union Sacrée. La visite annuelle, elle a déjà eu lieu ou elle a lieu demain? Il y aura une confrontation. D'accord. On n'en dira pas plus. Il y a beaucoup de. On conserve une grande part de mystère ce week-end parce que d'une part, on veut vraiment que ce soit les gens qui ont travaillé d'arrache-pied ces dernières semaines qui soient aux premières loges et qui soient aux avant-postes. Et avec tout le respect qu'on a pour les gens qui gravitent autour de nous ou qui viennent au stade. Soit pas avec nous, soit de temps en temps, etc. Tout le monde mérite le respect, mais il ne faut pas qu'il y ait des opportunistes qui viennent que parce qu'il y a des choses un petit peu particulières. Donc, on garde beaucoup de secrets sur le tifo en lui-même, également sur cette rencontre. Évidemment qu'on va rencontrer les joueurs, mais on ne s'est jamais étalé là-dessus. Vous savez, c'est très amusant de lire à droite à gauche qu'à Bordeaux, il n'y a pas de pression, parce que Bordeaux, c'est un des clubs français où il y a le plus de pression. Contrairement à ce qu'on pense. Il nous est arrivé d'aller au Hayan à 300-400 pour un huis clos, en prévenant, ou même des fois en prévenant pas, et de regarder les joueurs droit dans les yeux et de les mettre devant leurs responsabilités. Mais il n'y avait aucun journaliste, il y a même des fois, ça ne s'est pas du tout su. Mais je peux vous dire que les mecs, ils regardaient leur pompe et ils savaient pourquoi ils étaient là. Et Bordeaux, c'est ça, et les gens ne le savent pas. Et nous, on n'est pas du genre à s'étaler, on fait les choses. On est là pour l'intérêt de notre club, on n'est pas là pour faire parler de nous, pour X ou Y raison. Et puis ce qui est sûr aussi, c'est que nous, on ne casse pas des voitures, quoi. Nous, on va entre bonhommes s'expliquer et on dira ce qu'on pense aux joueurs ce week-end, au moment où on doit les voir, et comme on le fait chaque année. C'est pas une rencontre anodine. C'est vrai que la tradition, c'est que ça soit pour Marseille. Bon, ça s'est fait comme ça, mais c'est important qu'à un moment donné, les supporters aient regardé les joueurs droit dans les yeux, rappellent un petit peu aux joueurs la raison fondamentale pour laquelle ils sont là, pour qui ils se battent. Voilà, nous on représente tous les supporters des Girondins de Bordeaux et tous les ans on va pendant quelques dizaines de minutes. Encore une fois, leur parler droit dans les yeux. Alors des fois, c'est dans un bon contexte, ça se passe bien. Et puis des fois, on leur dit leur cas de vérité. D'ailleurs, on n'y va pas forcément que pour Marseille. On y a été aussi pour d'autres matchs quand ça l'a nécessité. Et souvent, ça a été extrêmement utile. À tel point qu'aujourd'hui, Gourvennec a parfaitement compris l'appui psychologique qu'on peut lui apporter. Et le club, ça fait bien longtemps qu'il a compris ça. Tout simplement, ça apporte un supplément d'âme. Un joueur de 20-25 ans, il est dans sa bulle. C'est vrai qu'à Bordeaux, il peut se balader sans que les gens lui sautent dessus. Ça, c'est une réalité. Mais ça ne veut pas dire que Bordeaux n'est pas une ville de foot. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des milliers et des milliers de gens qui transpirent Girondins de Bordeaux. Et nous, on va leur rappeler ça, quoi. Et on va leur rappeler pourquoi ils sont là, pourquoi ils se battent, qu'ils sont les garants d'une histoire, les héritiers d'une histoire, qu'ils doivent en être dignes et que nous, on est là pour pour surveiller qu'ils en sont dignes. Et s'ils en sont pas dignes, on fait aussi ce qu'il faut. Snakil, un petit avis sur le match de dimanche. Moi je pense que voilà, si les joueurs font le taf, on perdra pas. Tout simplement. Voilà, on perdra pas. J'en suis persuadé. Il y a trop de choses dans ce match. Non, et puis Galice, c'est une fournaise dans ces soirées-là. Et le virage chute va être grand. Même les joueurs qui disaient, je sais plus quel joueur c'était. Je crois que c'était la première contre Montpellier. Il y avait un joueur, le gardien, je crois, de Montpellier, je sais plus. Il disait, voilà, quand t'as le virage qui pousse derrière, je peux te dire que le gardien adverse, il va la sentir, la pression, il va la sentir, ça va trembler. Et je pense que les joueurs, ça va les sublimer. Mais ce que j'espère surtout, c'est que ça les sublimera pour la saison et non pas que pour un match, même si c'est un match important. Il faut vraiment que ce soit toute la saison. Une saison, il y a des hauts et des bas. Il faut attendre un peu avant de tirer des grandes conclusions. Mais c'est clair que dimanche soir, il y a tout un contexte qui fait que c'est un match charnière. Hein. Ah, c'est clair, oui, mais soit c'est un détonateur et ça sera un détonateur, enfin un nouveau match fondateur, et que la qualité qu'on a pu entrevoir en début de saison, même si Marc est sceptique, la qualité qu'on a pu entrevoir est quand même bien réelle, enfin du moins on espère qu'elle est bien réelle et qu'enfin les personnalités vont être au niveau. Je veux dire, on sait quand même que Sankaré, Sabali, c'est quand même des joueurs de qualité, on le sait. Qui l'ont prouvé, de toute façon. Ils l'ont prouvé. Et puis pour les connaître un petit peu, excuse-moi, Stankil, pour les connaître un petit peu, on sent des mecs sains. Nous, c'est, par exemple, on a fait la garden party du club il n'y a pas très longtemps. C'était assez frappant de voir que les joueurs sont restés très longtemps et étaient assez avenants. On a connu des époques où nous, on y est souvent allé, hein, c'est le banquet des partenaires, on y bouffe bien. Ouais, Costil en particulier. Ça permet un petit peu aussi, on l'utilise pas mal pour aller voir les joueurs, pour leur rappeler, et notamment pour accueillir les nouveaux. Voilà, généralement, on profite de la garden party pour aller s'adresser aux nouveaux joueurs et leur dire où ils ont atterri. Et là, ça n'a pas dérogé à la règle. Pour la dernière garden party, on est allé voir Depréville. Il lui a dit qu'ici, c'était pas les DVE, on n'était pas nationalistes, hein, c'était autre chose. On a été voir Costil pour lui expliquer, voilà, c'est pas parce qu'on a soutenu Carasso qu'on a un problème avec toi, bien au contraire, on sait que t'es un bon gars. Voilà, super mec, Costil. Et Alexandre Mendy aussi, très, très, très, très sympa, ça permet un peu de voir un peu à qui on s'adresse. Et c'est frappant de voir, moi ça m'a assez frappé, ça m'a l'air d'être des mecs sains, et ils sont restés très longtemps à la grande partie, ce que les autres années, on a connu des années, ils faisaient la photo, une demi-heure après, il n'y avait plus un mec. Là, ils sont vraiment restés, on voyait qu'ils appréciaient le moment, ils parlaient un peu avec tout le monde. Donc c'est assez révélateur. D'ailleurs, on était très très confiants ce soir-là, un peu trop. Mais voilà, alors après, il faut voir sur la durée. Nous, notre analyse un petit peu, c'est que il y a de la qualité, c'est indéniable. Et si aujourd'hui, on n'arrive pas à prendre plus d'un point sur 15... c'est qu'il y a un problème au niveau de l'état d'esprit. Alors, on n'a pas remarqué de dérive comportementale frappante. Hein. Dans ces moments-là, on a les yeux ouverts dans les endroits nocturnes de Bordeaux, hein, voir un petit peu si les mecs ont une attitude professionnelle. On n'a pas relevé de dérive comportementale frappante. Donc, doit y avoir un problème au niveau de l'esprit de corps. Donc, j'espère qu'ils ont profité de ces 15 jours pour se parler, pour se regarder droit dans les yeux, pour que chacun prenne ses responsabilités. Parce que sans esprit de corps, tu fais pas une équipe. C'est un peu le discours de Théo Pelnard qui a tenu en disant faut que les joueurs se regardent et qu'on discute entre nous aussi. Alors, nous, on a toujours été très vigilants là-dessus. C'est quelque chose qu'on a souvent remonté au club. Il faut faire très très attention au communautarisme. Et ça a souvent été un problème au Girondins de Bordeaux. On a ça l'est encore, hein. Et ça l'est encore. Alors on évite de rentrer dans des débats conflictuels parce qu'on est dans un état d'esprit d'être positif et de chacun faire son job, et on tirera les bilans après. Mais si les problèmes se confirment, on va retrouver des problèmes qu'on a de manière récurrente depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les Sud-Américains, d'un côté les Blacks, d'un côté les Bordelais, les Blancs de Bordeaux. Et même si les mecs s'entendent bien, ben ils restent. Voilà, ça fait des bandes à droite, à gauche, et il n'y a plus d'esprit de corps. Et ça a souvent été un problème. Dans un club comme Paris, par exemple, enfin, ou un très très club à énorme budget, les mecs sont tellement professionnels qu'il n'y a pas ce problème-là. Hein, ils ont beau être de toutes les nationalités, ils sont tellement pros qu'il n'y a pas ce problème-là. Là, on a quand même, nous, on a les mecs un peu plus jeunes. Voilà, des mecs de la trempe de Malcolm, on les a à 21, 22, mais on va pas les avoir à 25 quand le mec commencera vraiment à être un bonhomme. Et à 20 ans, pour faire comprendre à un gars la rigueur du professionnalisme, le comportement qu'il doit avoir, on l'a pu voir avec Malcolm à Paris, le comportement qu'on doit avoir, et qu'il faut savoir se remettre en question, etc., c'est plus compliqué. Après, ouais. Moi, je vais vous péter l'ambiance, mais il n'y a rien à être serein sur ce match-là. On est obligé d'avoir le moral, Marc. Je veux dire, si on arrive à Galice dimanche soir en faisant la gueule et que les joueurs ne croient pas en eux, et que nous, quand on va voir les joueurs et qu'on leur communique pas, qu'on croit en eux. Je te dis pas qu'il n'y a pas. Voilà, encore une fois, on tirera les bilans dimanche soir à 23h. Pour l'instant, il y a quelque chose, il faut croire en eux et on va gagner dimanche soir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être positif. Ça sera mal me connaître là-dessus, mais il y a aucun signal ouvert, rien du tout. On n'avance pas. Enfin, je trouve que depuis le début de saison, si on met bout à bout, il n'y a pas un match. Il y a un bon match, c'est Guingamp. Deux matchs tirés par les cheveux et après des résultats souvent avec des scénarios qui nous sont très favorables. Ouais, depuis Paris, oui, mais pour Toulouse, tu gagnes sans costume. On tient Lyon, tu vas me dire que c'est parce qu'il y a eu un carton rouge, mais bon, en deuxième mi-temps, les Lyonnais voient pas le jour. Alors ils sont à 10, Lyon, mais ils voient pas le jour. Le contenu, il y a rien. Lille, il y a rien. Toulouse, la deuxième mi-temps à Lyon dans leur camp. Et tu rigoles ou quoi? Bon, j'ai pas vu celui-là. Voilà, donc déjà. Celui-là, c'est celle que j'ai vue. Il suffit minimum de voir le résumé, de voir le nombre d'occasions qu'on a eues, etc. Quand on regarde, parce que c'est bien d'avoir le ballon, mais quand c'est stérile, ça sert à rien. Lille, s'ils sont pas à 10 pendant 20 minutes, ils nous marchent dessus. Toulouse, on gagne contre le cours du jeu. Lille, on doit gagner. Mais Lille, on doit rien gagner du tout. Rennes, bien sûr que Lille doit gagner. Je trouve que l'ensemble est pas bon. On trouve pas d'osmose dans cette équipe. Au final, on a eu 6 bons mois l'année dernière, mais à se demander si c'était 6 mois en sur-régime ou pas, parce que l'année dernière, pendant 6 mois, on a le même problème. Alors on a dit oui, Gourvennec, faut qu'il trouve son équipe, etc. Il avait une équipe, il avait un schéma, etc. Il a tout pété, tout remis en cause, et on n'arrive pas à avancer. Dimanche soir, tu auras des indications. Dimanche soir à 23h, soit on est de ton avis, effectivement, il faut prendre des décisions, soit il y a de l'espoir et tu dramatises des choses. Donc voilà, mettons pas la charrue derrière le bœuf. Là, le mot d'ordre, c'est union sacrée. J'ai peur que l'on union gagne, sacrée, presque, hein. Positivisme, ambition, motivation, etc. On a battu Marseille avec un but de Yann Béry, n'oubliez jamais ça. Après, Marc, pour pas te contredire, mais si tu peux, c'est on est à la 12e journée là, je crois. 13e journée. Le nombre de nouveaux joueurs dans l'équipe, on est reparti sur une base d'équipe là où on a changé plus de 60 ou 70% de l'équipe par rapport à l'année dernière. Donc faut tout ça. Voulu par le coach. Je dis que c'était nécessaire. Je dis pas le contraire. On sait qui a pris les décisions sportives et on sait qui rendra des comptes de manière positive si ça se passe bien, de manière négative. C'est juste qu'une équipe où t'as eu plus de 60% de mouvements au mercato d'été peut pas trouver des automatismes du jour au lendemain, faire du jeu du jour au lendemain comme ça. Donc là, en début de saison, sur le recrutement qui a été fait, il n'y avait pas un supporter bordelais qui était contre la direction, contre le coach. Tout le monde était satisfait de ce recrutement. Là, la défaite à Paris, je pense, a fait très mal parce qu'on pensait pouvoir peut-être les accrocher, mais pas prendre cette valise. Donc, je pense, ça a fait très très mal au niveau de la tête. Et qu'on a perdu beaucoup de confiance et que là il y a un déficit de confiance au niveau des joueurs. Sur ce déficit de confiance, Gourvennec aussi a sa part de responsabilité dans ses choix actuellement. Donc Marseille, c'est le match qui est fait pour relancer l'équipe et le club. C'est le match charnière de la saison. On pourra en reparler en fin de saison si on se trouve, et on fera l'analyse que ce match, ça sera le match charnière de la saison. J'ai une question pour toutes les personnes qui sont présentes. Est-ce que c'est le moment de tenter autre chose? Est-ce qu'on s'obstine On s'obstine dans ce 4-3-3 avec Deprévy qui est en pointe et qui n'a pas forcément un physique pour jouer seul en pointe. Est-ce que, d'après vous, on doit s'obstiner dans ce schéma de jeu? Ou est-ce qu'on doit tenter peut-être jouer à deux attaquants ce dimanche et être ambitieux dans le jeu? Moi, je sais pas si Depréville n'a pas été recruté pour faire briller Malcolm. Moi, c'est un peu l'impression que ça me donne. Et c'est vrai qu'actuellement, ce qu'on a vu de mieux de Depréville, c'est des passes assez lumineuses et des actions de jeu avec Malcolm, notamment contre, je sais plus quel match, Monaco, je crois. Nantes, où il y avait eu des Nantes aussi. On a eu un aperçu de ce que pouvait faire l'entente de Depréville-Malcolm. Et je pense que l'idée, c'était ça. Depréville, il est en fait là pour faire briller Malcolm. Il y a deux passes décisives pour Malcolm. Hein, 10 millions pour faire briller Malcolm. Ça Ça fait 5 millions d'euros la passe. Pour ouais, mais c'est, si vous voulez, c'est un peu. Alors après, oui. Ça me fait penser un peu à ce qui s'est fait avec Benzema et Ronaldo, si on peut faire une comparaison, toute proportion gardée. Mais Benzema est là pour faire briller Ronaldo quelque part, et Benzema l'accepte volontiers. Là, encore une fois, à une autre échelle, ça a l'air d'être un peu ça. C'est-à-dire qu'on a mis deux grands joueurs qui, en théorie, sur le papier, en tout cas pour Malcolm, c'est sûr, et pour Depréville aussi, je pense qu'il y a de l'espoir que ça soit ça. C'est quand même des mecs assez techniques. Mmh. Donc on doit, on a pu entrevoir ce projet, et je pense que l'idée est là. Maintenant, encore une fois, c'est bien d'avoir des idées, hein, mais si elles ne marchent pas, il faut rendre des comptes. Mais c'est pas encore l'heure. Thibaut, un avis sur le 4-3? Vas-y. Non. Je te sentais chaud tout à l'heure. Ouais. Non, honnêtement, j'aimerais bien qu'on essaye d'autres choses, parce que je pense que le 4-3-3, il est fait pour faire briller Malcolm, ce que disait Florian, vraiment. Sauf que le problème, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs des Girondins qui sont pas faits pour évoluer avec cette composition là, tu vois, en 4-3-3, qui sont faits pour jouer dans d'autres systèmes, que du coup on se prive de leur qualité à eux, que même peut-être ils exposent pas. Voilà, après non, surtout je parlais par rapport à Rennes, mais il y a certaines choses que je comprends pas. Mais il y a des choix, tactiques qui sont clairs, qui sont clivants, qui sont tout l'allant, Jovanovic, c'est quand même original comme idée, mais il y a un vrai projet de jeu derrière. Pourquoi on fait tout l'allant, Jovanovic? Parce qu'on veut remonter le ballon au sol. Mmh. Donc l'idée, elle est là. On veut que tout l'allant avec. Ce qui est moins le cas maintenant, parce que. Ouais, mais l'idée de base, elle est là. Si on garde pas Papalois, oui, c'est pour ça. Il y a un vrai projet. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a le technicien général de l'équipe, technicien principal qui est Gourvennec, a fait des choix forts. A été soutenu par tout le monde. Il est responsable de tout ce qui se passe sur le terrain. Et encore une fois, c'est un des coachs qui a eu le plus satisfaction en termes de choix de joueurs, en termes de budget, etc. On n'a pas souvenir depuis Blanc d'avoir un coach qui a eu autant les joueurs souhaités que cet été. Il a façonné l'effectif et le staff. Entre vous et nous, c'est le message qu'on a fait passer à la direction du club. Parce que là aussi, sans vouloir s'épancher, on a dit notre manière de penser. Il y a des à Bordeaux, c'est pas possible, quoi. Un point sur 15, c'est pas possible. Voilà, c'est possible à Guingamp, c'est possible à Troyes, mais à Bordeaux, c'est pas possible. Au final, est-ce qu'on n'a pas, on s'est pas raté encore à donner carte blanche à un coach? Non, ça a toujours été. Ça a toujours été la mentalité bordelaise. Chacun son job. Je veux dire, il y a une cellule de recrutement. Le directeur sportif, il doit diriger le sportif. Mais c'est ce qui est fait. Alors, le manque qu'il pouvait y avoir à un moment, il a quand même été visiblement. Mais encore une fois, s'il y a des comptes à rendre dans le mauvais sens, tout le monde devra prendre sa part de responsabilité. Mais à un moment donné, on avait appuyé sur cet aspect-là qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui chapeaute un peu tout, qui mette en relais la cellule de recrutement avec l'entraîneur, avec la présidence, avec le centre de formation, etc. Et aujourd'hui, c'est Ramé qui occupe ce rôle. Et il nous semble qu'il l'occupe bien. Après il y a la cellule de recrutement, et après il y a le coach qui fait les choix. Mais je pense pas qu'il y ait, si le coach, même s'il a un énorme crédit, Ramé a aussi son avis à dire, Martin a son avis à dire, et à la fin Taverneau a son avis à dire. Voilà, c'est fait de façon collégiale. Tu le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une véritable sectorisation. On sent que bien sûr Martin gère tout ce qui est les affaires quotidiennes. Et puis le peuple bordelais a quand même été entendu, puisqu'on a longtemps demandé un directeur sportif. Oui, et ce directeur sportif. J'ai fait sportif, les frais de ça sur, avec Jean-Louis. Ouais, mais bon. Non, mais voilà. Mais après, c'est vrai qu'on ne peut pas nier quand même qu'il y a eu des avancées considérables qui ont été faites. Faut pas tout brûler. Voilà. Après, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur certains choix qui sont faits maintenant depuis quelques matchs sur la gestion des matchs par Gourvennec. Il y a des choix qui sont. On a parlé du choix de mettre Plasil, de remettre Plasil, de rebalancer Plasil après 3 mois d'arrêt. Voilà, on a le choix de balancer Vada aussi. Le choix de sortir Otavio, je crois que c'était à Rennes où il sort Otavio. Il change 3 fois de système en 15 minutes. On peut quand même s'interroger. Et moi, j'ai l'impression que Gourvennec, en fait, depuis 6 matchs, il n'a pas la solution, quoi. Et il n'a pas la solution, et c'est en ça qu'on peut peut-être un peu s'inquiéter. Alors, moi, je continue à lui faire confiance, parce que c'est quand même un bon entraîneur, c'est quand même quelqu'un qui est venu à Bordeaux avec un projet, avec des idées, qui sait de les mettre en place. Ça a très bien fonctionné les 6 derniers mois. Le début de saison aussi, même si. Non, mais Thibaut, il est jugé au résultat. L'objectif de l'année dernière, c'était d'être européen, objectif atteint. Bien sûr. Bon, même si malheureusement, il y a eu l'accident industriel de Vidéoton, mais son objectif. Qui lui est imputable aussi. Voilà. Maintenant, je veux dire, il n'a pas de blanc-seing, il a des comptes à rendre. Ses objectifs l'année dernière ont été remplis. Maintenant, à lui de remplir les objectifs de cette année. Et les objectifs de cette année, c'est minimum être européen. Si on n'est pas européen, c'est un échec. Avec une finale de Coupe de la Ligue à Bordeaux. Alors, tiens, oui, parce que j'ai le site de Ligue sous les yeux. Il y a un très beau petit déroulant avec le pont de pierre, la porte, tout ça, les colonnes, les girondins, la cité du vin, bref. On a posé sur Twitter un petit sondage. Facebook, Twitter, enfin ouais, j'y connais rien, donc bref, tout ce qui est réseaux sociaux, quoi. Ouais. C'est la question, la question qui tue, là. La question polémique. La question qui tue, dont on vient un petit peu plus ou moins en grande largeur de débattre. En cas de défaite des Girondins contre Marseille le week-end prochain, donc c'est la semaine dernière, pensez-vous que cela sonnera le glas de l'histoire de Jocelyn Gourvennec au Girondin? Devra-t-il partir? On avait 2 réponses, oui ou non. Et bien, à ma grande surprise, les gens sont quand même. C'est oui à 55% et non à 45%. Je trouve ça totalement idiot de se poser la question au bout de 13 journées. D'accord, je pensais la réponse. De savoir. Parce que tout en sachant que. C'est volontairement polémique. Alors évidemment, c'est volontairement polémique. Il fallait bien trouver un truc pour Bordeaux-Marseille. Mais franchement, j'ai écouté ce que vous avez dit tous. Honnêtement, le début de saison, il est moyenasse en termes de jeu. Parce que s'il y a un gars aujourd'hui autour de la table qui me dit qu'il se régale en regardant Bordeaux. Moi, je me suis régalé devant Bordeaux-Rennes. Franchement. Et c'est un peu moins prononcé sur Twitter, c'est 45-44 et 12 ne se prononcent pas. Ouais, bon, enfin, c'est, grosso modo, c'est oui, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que quelqu'un me dise qui se fait pas chier aujourd'hui en voyant Bordeaux jouer, il va falloir qu'il m'explique par A plus B plus C plus le problème, toutes les lettres que vous voulez. Le problème, c'est que tu te fais chier, mais tu perds. Si tu te faisais chier et que tu gagnes, on n'aurait pas le débat ce soir. Tu t'appelles le FC Nantes. Hein. Oui, tu te fais chier en gagnant, tu t'appelles Nantes. Ouais. Oui, Cyril. Mais mine de rien, c'est moi qui pose la question. Donc pour moi, il y a un côté polémique, mais il y a aussi un côté bilan, parce que mine de rien, il y a un côté historique. Tu te qualifies pour la Coupe d'Europe. Enfin, pour le tour préliminaire, tu te fais éliminer de manière un petit peu honteuse au tour préliminaire. Tu enchaînes 5 mauvais résultats, dont un 6 à Paris qui n'est pas fier. Tu vas perdre à Amiens. C'est pas terrible. À Rennes, on est nul. Si jamais tu rajoutes à ça une défaite contre Marseille, ça serait franchement un bilan mais catastrophique. Alors, oui, vous 13 journées, mais oui, mais Sagnol, on lui avait pas donné autant de crédit. Après, tu te trouves face à une situation où moi j'ai 36 ans, je vais avoir 37 ans. Donc, mais en ça, j'ai jamais connu un tel bilan sportif. C'est-à-dire où tous tes objectifs de début de saison, ce n'est jamais mis à mal. Enfin, tes objectifs de début de saison, de quoi? T'as une finale de Coupe de la Ligue qui, quoi qu'on en pense, est dans ton stade. Donc déjà, ça doit être ton objectif numéro. Allez, pas un, mais deux. Martin, début de saison, Martin a dit 4e place, voire 3e place. et au moins 8e de finale dans l'Europa League. Donc en quoi le fait à la 13e journée d'avoir perdu face à Marseille t'empêchera d'être 4e, 3e à la fin de saison? Expliquez-moi. Arrêtez. Oh, putain, mais ayez pas la mémoire courte. L'année dernière, on avait 12 points de retard au mois de décembre. T'as fini 4e. Marseille, ils nous ont niqué. Ils ont été champions. Ils avaient 14 points de retard au mois de décembre. Alors si vous me dites c'était qu'avec 6 ou 8. Arrête un peu. Seb, deux choses. La première, il y en a un que tu ne rattraperas pas, c'est quand même l'élimination en Coupe d'Europe qui, moi, n'est toujours pas digérée. Je suis désolé de ce fait. Mais non, on s'en branle pas. Mais écoute, si ça, on s'en branle, j'ai envie de te dire, la place en fin de saison, on s'en branle aussi. Donc tant qu'à faire, on vient voir juste des beaux matchs et on demande à cette équipe de juste bien jouer. Non, on s'en branle pas et le résultat est quand même primordial. Donc je suis désolé, cette Coupe d'Europe, à un moment, on attendait à ce que, après une telle élimination aussi piteuse, ils allaient un petit peu se réveiller. Il est où le réveil, en fait, tu vois, il s'est encore rien passé. Le niveau du jeu, il est pas bon et c'est de pire en pire. Deuxième chose, on est en train de prendre un retard. Je suis bien d'accord que et personne n'a demandé ici la démission de Gourvennec. Dimanche, on gagne. Moi, j'ai énormément de mal avec ses choix, avec son recrutement, etc. Maintenant, on va lui laisser le temps. Mais dimanche, s'il perd, tu vas rajouter la défaite, donc la fin de la série contre Marseille, l'élimination en Coupe d'Europe. Et commencer grandement à te mettre une balle dans le pied pour ton objectif de fin de saison, parce que je vous rappelle que l'année dernière on est 6e et pas européen, on est européen grâce à Paris. Deuxième chose, cette année, autant l'année dernière nos concurrents étaient mauvais, cette année Lyon est quand même bien meilleur, Marseille, et je suis désolé, pour l'instant bien meilleur que nous. Donc je veux pas être dans le défaitisme, etc. Mais aujourd'hui, les points qui nous font dire c'est que ça le va dire, bien, c'est un peu l'impression que ça donne. Non, mais aujourd'hui les points positifs, tu les cherches. Et je suis désolé, j'en trouve pas. Non, mais si, on a plein de points positifs. Il y a eu plein de signes d'ambition qui ont été. Non, mais bah, l'achat des droits de Malcolm, l'achat intégral de Malcolm. Enfin, je veux dire. Enfin, n'importe quel financier l'aurait fait. Enfin, faut arrêter d'être débile. Quoi. Non, il y a quelques années, ça aurait été moins évident. Oublie certaines choses. Quand on regarde, là, faire signer Sabali pour 4 millions d'euros, mettre 10 millions d'euros ou 9 millions d'euros sur Depréville. Il y a des signes d'ambition. Après, ces choix, ils sont pertinents. Non, ils sont pas pertinents, encore une fois c'est trop tôt pour le dire, mais il y a eu des vrais signaux d'ambition qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Des choses positives, il y en a, et il faut pas tout brûler. Oui, effectivement, là je veux dire, c'est particulier, on peut pas aller sur ce discours là il doit y avoir une union sacrée pour dimanche soir. Après, c'est évident, voilà, mais on veut tellement pas en parler du drame que ça serait, qu'on n'a pas connu depuis 40 piges, quoi. Donc voilà. Donc c'est pas la peine d'envisager cette situation. Si dimanche soir ça se passe bien, on va retrouver de l'optimisme. Et si dimanche soir ça se passe bien et ça va bien se passer, bon, on pourra dire quand même qu'il y a de la qualité dans cette équipe, à confirmer bien sûr, mais il y a de la qualité. Et cette qualité, c'est incontestable qu'on en a entrevu quand même quelque chose depuis le début d'année. Voilà, faut pas tout brûler. Ouais, je suis assez d'accord. Voilà, faut attendre dimanche soir. On te demande pas longtemps, Marc, on te demande 2 jours. Moi je suis assez d'accord avec ça, et je pense que On pourra faire le bilan après Marseille. Voilà, 2 jours. 2 jours. Voilà. C'est ça. 2 jours. Non, mais il faut pas, comme tu dis, il faut pas tout brûler. Il y a qui au téléphone? Ah, mais il y a Snack. Oui, mais il y a Snack qui est toujours. On va. Ouais. J'allais faire un tour de table avec les pronos machin de soi, donc on va commencer de suite, puis après on aura un autre auditeur au téléphone. Mais Snacky, vas-y, on t'écoute. Alors, hop. Bah si, il a fait longtemps qu'il a pas parlé. Oui, non, mais d'accord, pas trop vite. Oui. Oui, on fait les pronos et on prend derrière et après on termine. Pas de problème, c'est réglé comme une. C'est pas goal, comme une ça se voit. Ah ben non, mon gars, on a pas les moyens. Jingle pronos, parce que ça vend du rêve, tu vas voir, mon gars, c'est Hollywood. Et on enchaîne derrière. Quel est votre pronostic? Pronostic. Oui, votre pronostic. Une boucherie. Alors, Snacky, boucherie ou pas boucherie? Hop là. Je vais dire 2-1 pour Bordeaux. Enzo. Ah, pardon. 2-0 pour Bordeaux. Ouais, Thibaut. Victoire de Bordeaux, pas mal de score. Cyprien. 1-0. Joseph. 1-0 pour Bordeaux. Castille. 2-1. Thibaut. 3-1. Jus. 3-1. Ouais, 3-1, c'est bien. 3-1. Alors les défaitistes là, allez-y là, assumez votre défaitisme jusqu'au 0-0. Non, mais moi, je pense honnêtement, j'espère qu'on fera un résultat, mais je pense que le jour où on va perdre, on va en prendre une, mais une copieuse. Donc, j'espère que ce ne sera pas dimanche. Donc, je vais dire 0-0. Sérieux, moi, je l'ai toujours dit, je l'aurais toujours répété, le jour où ça va tomber, mais ça va tomber de rue. Et le plus tard possible, donc c'est pour ça. Je dis rien, on pense rien, je pense pas. Voilà, on va gagner, tout va très bien. On rentrera chez nous 11h, on sera content. Et lundi, on sera content du soir. Et lundi, on sera content d'aller travailler. Snakil, merci beaucoup. Je suis désolé, on a quelqu'un d'autre juste merci derrière. Merci à toi. Et puis, on te retrouve tous les soirs de match, c'est ça, sur Gol. Sur Gol FM, voilà, c'est ça. Et puis demain, voilà, je passe juste un petit message pour rapport à Lyon Sacré. Ouais. Voilà, je suis c'est Lyon Sacré. Et demain, je sors une vidéo vraiment pour faire passer une émotion. Ce sera différent de toutes les autres. Pour vraiment demander Lyon Sacré de tous les supporters, de tout le club. Et voilà, mettez les œillères. Et on y va tous dimanche. Et puis après, on verra, on fera les comptes. À fond. Voilà. Ça marche, à fond les ballons. Merci beaucoup, Snakil. Bonne soirée, bon match. Ciao. Hop là. Hop. Et on va récupérer quelqu'un tout de suite derrière. Marc, tu gères ça. Voilà, hop là. Puis alors, c'est bien foutu, je ne sais absolument pas qui est au téléphone. Bonsoir, on va le faire en impro direct. Oui, bonsoir les gars. C'est Rémi, comment allez-vous? Oula. T'es qui? C'est Rémi. Ah, Rémi. Bonsoir Rémi. Bonsoir Rémi. Il y a eu des bruits bizarres dans le ah, téléphone. Ah oui. Rémi. D'accord. Ton sentiment sur ce match-là, tu le sens mon sentiment sur Bordeaux-Marseille, 1-1, parce que je pense qu'on va en prendre un et je pense qu'on va en marquer un. Voilà. Je suis pas hyper confiant. C'est logique. Par contre, il y a une chose que je souhaitais dire et c'est au niveau des ultras. Je les sens chauds, je les sens motivés pour pousser derrière. Et je pense que ouais, le 12e homme peut jouer parce qu'on est. Est-ce que ça va être le match de la révolte? Honnêtement, je peux pas trop dire. Mais quand t'as un 12e homme, un vrai 12e homme, ça peut le faire. Voilà, Marseille nous est supérieur, hein, à mon avis. Je sais pas si de votre côté. Non, mais pas du tout. Je peux pas te dire parce que Marseille, ah ouais, Marseille ne sera jamais supérieur. On pourra jamais dire cette phrase-là. Individuellement et en fait sur les derniers matchs. Donc sur la dynamique en cours. Oui, voilà. Sur la dynamique. Et puis d'un point de vue individuel, quand même, ils ont plus d'internationaux, mais... quoi. Donc Marseille, plomber l'ambiance, quoi. Je pense que, enfin, je veux pas non plus casser le délire, mais le Marseille est quand même pas une équipe qui est. Enfin, si on prend le 11, on compare les deux 11, on compare les deux effectifs. Marseille a quand même de sacrés problèmes, notamment d'un point de vue défensif. Il y a des joueurs, quand même, la qualité n'est pas non plus exceptionnelle. C'est pas une équipe flamboyante. Ouais, alors, effectivement, la dynamique aujourd'hui est. Mais demander aux supporters marseillais je pourrais pas te dire contre qui ils ont joué au dernier match. Mais ils ont gagné quand 5-0. Ils ouais, ont perdu voilà, en Europa League ensuite, je crois, 2-0. Ouais, voilà, alors, bref. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand même, enfin, quand on regarde un petit peu le début de saison de l'OM. Les supporters de l'OM n'ont pas du tout la même analyse que toi. Ouais. Leur équipe est quand même largement critiquable et ne fait pas non plus une saison exceptionnelle. Alors oui, la dynamique sur les derniers matchs est plutôt en leur faveur, mais ce sont deux équipes, à mon avis, pour l'instant de même niveau, au moins sur le papier. C'est pas Marseille n'est pas supérieur à Bordeaux et Bordeaux n'est pas largement supérieur à Marseille, mais ce sont deux équipes qui se valent, à mon avis. En fait l'histoire c'est que t'as des recrues style Le Ragueur, Otavio, etc. de Préville qui restent encore un petit peu des points d'interrogation. Otavio, je me souviens, son premier match, tout le monde avait des étoiles dans les yeux. Ouais, je sais bien, je suis le premier. Tu vois, je suis le premier à à dire qu'il y a quelque chose, tu vois, dans ces joueurs. Mais dans la continuité, ils sont encore, selon moi, ils n'ont pas abouti. Ça reste quand même des inconnus. Et est-ce qu'ils vont se réveiller on ou pas? On a 3 mois de compétition dans cette équipe a 3 mois de compétition. Comme on l'a dit tout à l'heure, 80% de l'effectif a été renouvelé. Le 11 de départ aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le 11 de départ la saison dernière au même voilà moment. Voilà, alors pour ce match oui, les Ottavio, même sans carré, il était en dessous. Vada qui est un bon joueur. On a tous les boules parce que c'est Marseille, mais ça aurait été Amiens, ça aurait été Guingamp ou un autre match, tout le monde s'en foutrait, on passerait à autre chose. Là, on a tous les boules parce que c'est Marseille qui. Non, mais de toute façon, depuis 5 matchs, on va pas se cacher, il n'y a pas de joueurs qui sont satisfaisants. Donc, heureusement, il y a eu cette trêve-là de 2 semaines qui, je pense, a remis les pendules à l'heure. Et voilà, donc on repart sur une nouvelle dynamique. Et donc, du coup, comme le message est passé, c'est l'union sacrée pour dimanche. Et puis, on va tous supporter cette équipe-là. À ce propos-là, je tenais à passer le bonjour aux supporters parce que par rapport à d'autres supporters, je trouve que on a vite fait de critiquer. Je sais pas si c'est français ou pas. Hein, j'ai pas envie d'entrer dans la polémique, mais moi je pense à une équipe comme Liverpool qui est où les ultras, les supporters en général sont perpétuellement derrière leur équipe. Je sais que Bordeaux, c'est pas pendant, passez-moi l'expression, depuis quelques années, hein, c'est un pendant de scie. Et moi, j'apprécie l'attitude des supporters qui reste positif, que les résultats soient bons ou mauvais. Honnêtement, je tiens à le dire, je regarde les forums comme Sud-Ouest, de sites de supporters comme le vôtre, où je vois beaucoup de personnes qui interviennent en disant mais les Girondins c'est des nuls, c'est des chèvres, etc. Je tiens à louer l'attitude des ultras bordelais qui soutiennent leur équipe. Moi, je pense que c'est vraiment une belle attitude et je tiens à le noter, quoi. Le message est passé, Rémi. On doit quitter. Il est 11h15. On a déjà débordé d'un quart d'heure. Donc ouais, merci, Rémi. Puis on te souhaite un bon match dimanche. Il n'y a pas de problème. Hein. Et les gars, pour l'histoire de maillot, ça l'aurait fait que vous le dites à Cavé parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer. En tout cas, bonne fin de soirée, hein, les gars. Merci Rémi. Bonne soirée. Merci à vous. Hein. Merci de nous écouter. Allez, bonne soirée, Rémi. Ciao. Bon, merci à Rémi. Voilà, hop là. Bien, messieurs, 23h. J'ai dit quoi? 23h15. On a débordé, mais on s'en fout. C'est pas grave. C'est pas la première fois qu'on commence pas à l'heure et qu'on finit en retard. C'est Bordeaux Marseille. C'est Bordeaux Marseille. On peut même. Enfin, moi perso, je peux mettre là jusqu'à demain matin. C'est pas un souci. Messieurs, on a fait les pronos. On va remercier. Exactement, le Cyprien et Joseph. Merci, messieurs. Même avec si plaisir. Ça a été un petit peu. Beaucoup de monde ce soir. Avec plaisir. Mais vous pouvez évidemment, voilà, si vous êtes supporter et que vous voulez discuter avec d'autres supporters des Girondins comme vous, vous allez sur la Tribune Gold. Alors, me demandez pas comment, j'y connais rien. Sur mais Facebook, vous y allez. Vous cherchez la Tribune Gold. Sur Facebook. Et vous avez Cyprien qui vous acceptera. On va remercier Fernando Cavenaghi évidemment, qui ne nous écoute pas depuis l'Argentine, mais c'est pas grave. On va le remercier quand même. Merci à lui, merci Marc de m'avoir enlevé le son dans les oreilles. Merci Flo, merci Julien, merci Thibaut, merci Pierre d'avoir passé ces merci 2 heures. À vous. Ouais, merci à vous. Oui. Juste un petit coucou à tous les travailleurs de l'ombre du local actuellement. Eh ben écoute. Liberté pour les ultras. Ouais. Y en a pas un qui vous a fait genre on passe un truc, non, un truc à placer, n'importe quoi, une connerie. Non. Juste. Non. Un gros, que les gens soient vraiment tôt au stade dimanche. Ouais, voilà. Ouais, rappelez ça. Voilà. Avant 20h en place parce qu'il y a énormément de choses à sortir, à enchaîner, à voir. Flo, tout à l'heure, tu as parlé d'un rendez-vous à 17h30, je crois, dans un rond-point de la CAF. Voilà, où il y a entre le casino, le McDo, tout ça, juste avant le bowling. Okay. Le premier rond-point et après en route à pied direction le stade. Et ouais, surtout venez tôt, déjà vous galérerez moins à vous garer. Et puis il fera beau en plus, je crois. Normalement ils n'ont pas prévu de pluie, donc ça doit être une bonne journée. Venez tôt, la journée sera belle, l'après-midi sera belle, la soirée sera belle, le match sera beau, tout sera beau. Et on rentrera, voilà. Les poches pleines de points. Et on repartira pour une 41e année. Un dernier, non, c'est bon, fini, terminé. Ouais, c'est 40, ouais, 41. Bien, et ben on va se quitter là-dessus. Merci à vous tous. Nous, on se retrouve lundi 21h-23h. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Non, donc tout va bien. Lundi 21h-23h, dans Gironde Analyse, RIG 90.7, RIGFM.fr. On vous cache pas que suivant le résultat, ça va valoir le coup d'écouter. Moi aussi, j'ai une dédicace à passer à Emeric qui retranscrit tout à chaque fois depuis Paris. Donc un grand merci aussi à Emeric et du coup aussi à notre site partenaire Girondin 33. Donc voilà, c'est merci. Ouais, parce que le pauvre Rico, il va avoir pas mal de taf entre les UB et Fernando Cavenaghi. Ça va faire du monde. Il y a Florian qui te dit, Rico, déforme pas les propos. Allez, merci à vous tous. On se retrouve lundi 21h-23h, RIG 90.7 FM et RIGFM.fr. Bonne soirée, bon week-end, bon match dimanche. Et allez Bordeaux. Tous les lundis et vendredis de 21h à 23h, écoutez Gironde Analyse sur RIG en 90.7 FM et sur notre site girondeanalyse.com. Vous y retrouverez aussi les podcasts des émissions, les interviews, le chat et toutes les infos sur les Girondins de Bordeaux. A bientôt dans Gironde.